Radiomatic. Pour amorcer la transmission 297 d'Audiomatique, les sonoristes vous présentaient le groupe allemand X-Marks de Pedwalk et la pièce Mirthless Knick-Knack, qui est tirée du mini-album Disease Control, lancé en 1990. Les sons sont indispensables afin de créer une trame au contexte et émotion dans l'univers télévisuel et cinématographique, et de faire vivre encore plus vivement ces contextes et ces émotions aux récepteurs. Mais qu'advient-il lorsqu'on dénature la trame sonore de son contexte d'interprétation? Est-elle appréciable comme une œuvre en soi? Les sonoristes vous laissent juger en écoutant la pièce qui suit, tirée de la trame sonore de la série française Les Revenants, qui a été composée par Mogwai. Thank you. Audiomatique, la séquence musicale se terminait sur une pièce de la formation Sons of Kemet, intitulée Inner Babylon, et se retrouvant sur le premier album intitulé Burn, paru en 2013. Avant Sons of Kemet, nous entendions Black Hill Transmitter, qui est un projet parallèle des membres de la formation The Future Sound of London. De l'unique album homonyme de Black Hill Transmitter, nous écoutions la pièce Battery Room. Et en début de séquence, nous avions droit à la pièce The Huts, tirée de la trame sonore de la série française Les Revenants, composée par le groupe Mogwai. Afin d'assurer la continuité à Audiomatique, nous vous offrons à entendre le groupe allemand Hojob. Overdosing quantity. Audiomatique, nous terminions cette séquence avec le duo mexicain Rodrigo y Gabriela, formé de Rodrigo Sanchez et de Gabriela Quintero, de qui nous entendions la pièce Juan Loco, extraite de leur album homonyme sorti en 2006. Mentionnons que tous les sons produits sur cet album proviennent uniquement des guitares acoustiques des deux musiciens. Tout juste avant, il s'agissait du groupe Stereolab et la chanson OLV26 de leur quatrième album Emperor Tomato Ketchup, paru en 1996 et dont le titre est emprunté d'un court-métrage réalisé par le japonais Tsuji Terayama en 1971. Et nous débutions avec le groupe allemand Hojob et la chanson Control qui ouvre l'album New World March, lancé en 2011. Audiomatic se poursuit avec nul autre que les Beatles. Felicidad, felicidad, nadie más te encontrará. lloro, dejar la puerta abierta para verlas y volar, correrla por el campo tratando de agarrarla y llamarla en voz alta, pero ella igual se va. Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás. Felicidad, felicidad, nadie más te encontrará. Felicidad, felicidad, mi mariposa que te vas. Felicidad, felicidad, en primavera volverás. Days. with the purple sky behind us in these new ways. Nobody hears us when we're alone in the blue future. No one receiving the radio spins away. À Audiomatique, nous terminions cette séquence musicale de quatre pièces qui nous ramenait dans les années 60 et 70 avec Brian Eno et la pièce No One Receiving tirée de son album Before and After Science sorti en 1977. Avant Brian Eno, nous écoutions la formation Los Mirlos et son classique Sonido Amazonico paru la première fois en 1975 sur un 7 pouces avec la pièce El Llorón. Les sonoristes ont trouvé cette pièce sur la compilation The Roots of Chicha, psychédélique Cumbias from Peru. Avant Los Mirlos, c'était le groupe uruguayen Los Iracundos et sa pièce Felicidad, Felicidad, tirée de l'album du même nom paru en 1968. Et on amorçait la séquence avec The Beatles et la pièce Tomorrow Never Knows, un classique apparaissant sur l'album Revolver paru en 1966, album qui voit par ailleurs la célèbre formation britannique expérimenter avec de nouvelles techniques comme le tape loop, le doublement de pistes automatiques et les bandes renversées. Pour clore cette transmission 297 d'Audiomatic, les sonoristes vous offrent le groupe Download et sa composition Omniman, sur laquelle on peut entendre Feu Genesis Peerage, qui a fait entre autres partie de Throbbing Gristle et de Psychic TV. Cette pièce est tirée du premier album de Download intitulé Furnace et paru en 1995. Précisons que la formation Download a été fondée à l'origine par Kevin Key et Dwayne Gottle de Skinny Puppy, Mark Spivey du projet Dead Voices on Air et ex-membre de Zoviet France, et par feu Phil Western. Dwayne Gottle est malheureusement décédé le 23 août 1995, quelques jours à peine avant la parution de l'album Furnace. Audiomatique se poursuivra mercredi prochain dès 17h avec la présentation de la transmission 298 sur les ondes de CFOU 89.1 FM. Par la suite, celle-ci sera disponible dans nos archives, accessible par l'entremise de nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-CFOU. Voici Download et la pièce Omniman. C'était Audiomatique avec les sonoristes. which is what you may need.